pluie toutes les nuits te tape sur la tuile. Pas une goutte d'huile ne frappe au carreau de ton pauvre vieux cerveau rouillé. Tu sens le rance, le vieux chien mouillé. Tu sens venir l'automne et tu t'étonnes des cheveux blancs de tout ce temps tué à ne rien faire. Quand t'enlèves ton dentier, t'en veux au monde entier, t'en veux à tes amis, tous ceux qui sont partis, qui t'ont laissé tomber. Puisque demain sera déjà comme si c'était hier, qu'aucun de sort sans mille remords à se jurer de prendre le prochain train qui rentre en gare et qui repart toujours trop tôt pour un trop tard. Et tu t'étonnes de tout ce temps tu es à ne rien faire, ta vie n'est qu'un pétard mouillé. Et tes amis, mon pauvre chéri, les mêmes copains, ceux qui comme toi n'ont pas bougé, les mêmes vannes, les mêmes virées, les nouilles et la télé et la frangine à la cuisine. Quand c'est triste à pleurer, c'est con à dire, mieux vaut en rire, toujours trop tôt pour un trop tard. Toujours trop tôt pour un trop tard. À se jurer de prendre le prochain train qui rentre en gare. À se jurer de prendre le prochain train qui rentre en gare et qui repart toujours trop tôt pour un trop tard. Toujours trop tôt pour un trop tard. Faute de mieux, tu joues le grand jeu, y'a plus d'amour dans ton foyer. Ta vie n'est qu'un pétard mouillé, que tu t'allumes et tu te fumes. Et tu t'étonnes de tout ce temps gaspillé à t'écouter parler tout seul dans ton beau décor. Quand la paresse te tient en laisse, t'as ta tristesse pour seule maîtresse. Faute de mieux, toujours trop tôt pour un trop tard. Pour un trop tard. Toujours trop tôt pour un trop tard. Pour un trop tard. La vie est belle. La vie est belle. Sur la terre, corps et âme. La vie est belle. Et tu l'as enregistré ?